Sorge. Aber drei Kopf. Schuhe, Wochen, Maff, das ist gleich eine Stütze. Wohin? Geh mich Stütze. Et j'ai d'enfant. Ah, vous savez que j'en vis. Mais si je prends un pied dans mes rêves, c'est bien. Ils sont qu'à emmener mon soeur dans le rond. Les gens sont nécessaires. Ah, pour ce n'y a plus, pas l'enfant. Mais attends, jusqu'au flic. Les autres, eux, des flics. Mais si ce qui frappe, même moi, qu'on prend Jésus. En attendant, non, mais il faut s'éveiller, c'est vrai. Il n'y a qu'on dit, c'est relevé, va-t-il. Et ils sont frachés. Ah, il faut vas-y. En ignore sans effet, fadmoisez. Ah, bah, vous m'en faites. Il reste un latin en toi. Il me donne les merci, ceci. Merci, synthétique, vraiment. Non, fallon. Et moi, j'ai mis à la décennie, je n'en ai pas fait, va y aller, ne j'ai mis qu'il y a mis à la peine de sa piste. Donc je reçois le tard, quand le tâche à tarif, j'ai le guéris de jeune, il fait un nom de l'eau. Bref, trop, j'ai admis que le système mort, mais n'est-ce qu'il y a eu qui se met, si c'est du ch'ti, c'est lourd, c'est glam. Il va leur connaître, on les fasse, mais moi, je ribus, c'est de l'eau, il sort chez mes héros, je prends mal à, il va lâcher le temps. Il veut russe, le mettre, si c'est mort, c'est le temps. Moi, disquette, mort, c'est le temps. Routal, je sauve, russe, non, tout le monde, c'est sur PCS, il va la s'routal. Saut, non, je s'assure, c'est le mettre, si c'est mort. Oh, qui s'en a cassé le roi, c'est l'enfant, il est ni milieu, je serai l'autre, il mort. Moi, je suis ce chaud, peu de retard, il est mort. Le fort, un peu mort, le bas, typique, et là, même de l'eau, seul, bah, il n'en j'ai plus de fesses, une île, reprise de l'eau, chère. L'issue, les fils, le nombre, fort, qui joue, qui dresse, mais il coupe, et là, que je ramène de tchin, mais c'est des trucs géants. Un me traque, un me chale, froissé, sur peu de vol, très beau. Un me traque, et des sorcelles, de boule, retour. Si fini, moi, c'est un fort, mais c'est un fort, un habitant, ne s'agit pas, moi, je sais, Et le vous nous retrouve, pays du style, j'ai le mot, leur photo, j'ouvre pas les tables, leur mot, le mot, sa chaleur, les fiches, mais mes conseils, les droits, vrai, c'est l'os, sort des débutants, un immeuble de gâteau, sort de nala, merci, c'est les que mes fiches, qui ourna, ça y a, parce que ni je douille, c'est le jeu, j'ai dit, c'est le bébé, je l'écris le jeu, leur goût, y'a où elle est, c'est pas que je me refais l'os, c'est qui m'a mis tenu la loupe, c'est un sort alors ma surprise, et c'est qui des pays, une alive, ils du style, ils n'ont, ils bêtent, frère, crappe, gol, la tête, comme faudra, et y'a marre, déjà, qui nous couche, qui joue notre traiteur, ou le sien, mon fin, disagam, puis je, la diche, je, fin, ben oui, urbomina, on veut, je m'accueille, ou attraper, un os d'un rose, c'est qu'un rouge, le vaisseau, de lève, je prête à, disons, ouais, je t'amuse, ainsi, des soucis, je nous ai laissé, je n'ai un repas, du bédrou,